Bon, je pense que mon micro n'était pas activé. Direct du samedi 16 octobre 2021. J'ai une machine, un déshumidificateur qui fonctionne en son de fond. C'est parce qu'aujourd'hui, il pleut ici. Donc, je fais fonctionner un déshumidificateur parce que j'ai des pièces qui éclairent avec des néons fluorescents, là. Puis après, il fonctionne mal. J'ai aussi du matériel qui ne doit pas prendre l'humidité. Donc, est-ce qu'il y a deux personnes, une personne? Bon, il vient de s'en aller. Il y a des gens optimistes. Je vais juste être là. Puis bonjour, Marie-Jeanne Kuzmanovic. C'est d'origine serbe, ça? Ah, ben, bonjour. Peut-être, hein, d'origine serbe. Habituellement, les non-serbes sont dans ce genre de... Bosnie, oh, c'est... Ah, bon, ben, c'est pas loin. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ah oui, nous approchons de la Toussaint. Donc, il y a une certaine activité qui est en hausse, hein, le mois d'octobre. J'ai une de mes cousines qui s'est faite martyriser un de ses chats qu'elle a dû faire euthanasier, donc soyez prudents parce que nous sommes dans des temps de l'année où l'astral est particulièrement fort, puis il y a toutes sortes de bon sens de monde qui... Salut, t'es de bonne humeur ce matin. Oui, il pleut, donc je compense, j'imagine. Il fait pas très beau ici, mais habituellement, à ce temps-ci de l'année, dans ma région, il neige. Maintenant, il pleut. Donc... C'est le fun de... Bon, il semblerait qu'il y a des changements climatiques, mais bien franchement, là, même quand j'étais enfant, il y en avait des mois d'octobre pluvieux au lieu d'avoir de la neige. Donc oui, je suis de bonne humeur. Ben, comme d'habitude, j'ai eu des retours par rapport aux dernières vidéos que j'ai mises. Il y a des gens dont je n'ai plus de nouvelles. Donc bon... J'imagine que c'est ajusté, que c'est correct. Vous allez être fâché avec moi la dernière fois. Vous avez dit, je mets jamais un dislike, moi, si haut. OK, bon. Ben oui, mais je parlais sous les... Je parlais pas par rapport au... Ben ça non plus, j'ai jamais fait ça. Non, moi, quand ce que j'aime pas, je l'ignore. Parce que... Ben franchement, là, je vois pas ce que ça donne, mais peut-être que ça dépend de chacun, pourquoi pas. Je suis pas fâché contre vous. Je vais pas être fâché contre vous. Vous faites ce que vous voulez. Au fond, moi, je pense pas être un troll. Ben, d'une certaine façon, oui, involontairement, parce que j'imagine que je peux être le sujet de petites chicaneries entre d'autres. Hein? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Il n'y a pas beaucoup de monde encore. 4 personnes, 3. Ah, il y en a un qui vient de s'en aller. Jamais autre troll pour annuler la méchanceté aux méchants. Eh bien, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Il y a moins de méchants, vous en voyez. Ça annule? Moi, je pense que ça les nourrit. Donner du négatif sur du négatif, ça fait pas un positif. Ça fait pas du positif. Bonjour, Bertha. Décidément, le hasard. Bon, ben, moi, je crois pas au hasard. Le hasard a le dos large. Mais oui, il y a des... comment est-ce qu'on pourrait se dire ça? Des conjonctures. Des conjonctures. Je ne suis pas un fan non plus de l'idée de synchronicité, en tout cas pas comme Jung. Oui, il y a des choses qui arrivent pour leur signification, au sens où nous donnons un sens aux choses, je pense. Et c'est ça, nous considérons qu'il y a des choses qui arrivent pour leur signification parce que l'être humain, dans sa subjectivité, donne un sens aux choses qui lui arrivent. Mais il n'y a rien qui arrive par hasard. Je ne pense pas. Ce serait triste que des choses arrivent pour leur signification uniquement. Ah, Madame Urbanski, bon, ben, bon matin. Je me lève de bonne heure. Je me suis levé de bonne heure aujourd'hui parce que ben, je fais ça tous les matins, puis le samedi n'est pas une exception. Mais j'ai eu une belle journée hier, j'ai eu une bonne journée. une bonne journée fructueuse. Puis je me suis couché, comme d'habitude, là, c'est de bonne heure. Mais un peu plus tard, hier, j'ai été pris pour écouter Prière de ne pas envoyer de fleurs qui avait Sylvain Cossette. Puis j'avoue que ça a été un peu souffrant. Mais c'était, je faisais la vaisselle où ça jouait derrière. Puis qu'est-ce qui est arrivé donc pendant cette émission-là où j'ai entendu que j'étais. Je m'en souviens plus. Je dois l'avoir refoulé pour pas être trop traumatisé et rester de bonne humeur. Ou bien c'est qu'il y a un traumatisme, pour ça je l'ai refoulé. Peut-être que ça va me revenir là, comme dans les cas de syndrome post-traumatique. Il faudrait qu'il y ait un déclencheur. Donc, oui, comme je vous disais, j'ai une cousine qui s'est fait martyriser un chat qu'elle a dû faire euthanasier, là, un malade, un possédé, qui a décidé de. Donc, c'est un temps de l'année où il se passe des choses, c'est-à-dire que l'astral est plus fort. Le mois d'octobre, là. Puis d'ailleurs, il y a certaines choses que j'ai vues. Même on le voit là, moi je considère que ça paraît. Puis bon. Que voulez-vous qu'on fasse? On peut rien faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Il y a David qui a publié quelque chose ce matin. Mais je pense que c'est des affaires de balayage psychique, là. J'ai pas trop. Je suis pas allé voir. C'est un peu comme des fois, c'est des choses de bénédiction. Puis bon ben. C'est pas que je suis pas, je pense pas que ça peut faire que ça, je pense pas que c'est inutile, mais dans mon cas, j'ai jamais. C'est un peu comme les mantras, je trouve que c'est à répéter tout le temps, puis j'aime autant ce qui est auto-régulé, automatique. Vous savez, comme un commutateur, là, une switch, un interrupteur, une fois qu'il est enclenché. Mais je sais pas, il y a des. Ça dépend, il y a des gens qui en ont possiblement que ça a un effet, puis possiblement que bon. C'est intéressant. J'aurais peut-être dû, pour la première fois, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre des notes. Parce que je me disais, bon, je vais faire un live, ça va être intéressant, puis finalement, non, j'ai rien à dire. Je m'intéresse ces temps-ci, aux ondes radio. J'ai beaucoup d'intérêt pour, vous savez, là, les ondes courtes, puis tous les dispositifs qui existent pour pouvoir écouter ça. Je commence à, j'avoue que je suis curieux. Ah, il y a quelqu'un qui vient de nous quitter. Non, ce n'est pas un décès, c'est un auditeur de moi. Donc, la vie continue. Il n'y a vraiment personne qui a rien à dire. Je ne sais pas, moi, par rapport à ce qui avait été dit les dernières fois. Il n'y a rien d'intéressant à dire. Vous avez rien de. Ben voyons, vous avez certainement. J'ai fait un rêve dernièrement. Ben, en tout cas, j'ai. Qu'est-ce que j'ai découvert sur les ondes courtes? J'ai pas reçu mon matériel encore. Non, je m'intéresse sur les. Vous savez que c'est cher d'avoir un vrai dispositif intéressant là, avec tous les morceaux qu'on m'entend. Sur un plan subtil, quel est mon ressenti concernant les déléitions génétiques? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Les déléitions génétiques. C'est un terme que je connais même pas. Délétion. Eh bien, je n'ai pas de ressenti sur ça. J'ai pas aucune idée. J'ai aucun ressenti sur ça. Il faudrait élaborer. C'est quoi les délétions génétiques qu'ils font? Les deux images, tableaux que vous avez présentés, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est comme si je vous explique un théorème pour. Par exemple, je ne sais pas, moi, un théorème pour découvrir des inconnus, ça ne veut rien dire, ça n'a rien à voir. C'est comme 1 plus 1, ça fait 2, ça ne veut rien dire. Ça, c'est juste une formule qui peut servir. Les anomalies génétiques. Ben, je pense que dans la densité matérielle, il y a des accidents. Que, justement, que ça fait partie de ce qui est d'intéressant. C'est dommage et terrible de dire ça. Mais oui, on vit dans un monde où il y a des possibilités d'accident. Mais pas au sens d'un hasard nécessairement, parce que ça peut même être utile. Quoique, il se produit des fois des choses. Il y a des anomalies génétiques que je pense que ce sont des avantages ou que c'est nécessaire. Puis ça vient élargir la gamme de tout ce qui est des possibles là, expérimentaux, ça vient ajouter une variété à l'expérience dans la matière. Donc, quoique par rapport là, à certaines choses qui ont été, vous savez, là, les monstres de Tchernobyl, je suis un peu sceptique par rapport à ça. Je suis pas très certain que ce soit lié. J'avais vu, c'est une vieille dame qui vit encore à Tchernobyl, elle a refusé de quitter et puis elle a l'air plus en santé que là, bien des gens que je connais. Donc, mais je pense aussi qu'il y a des, jusqu'à un certain point, il n'y a pas juste des accidents, il y a aussi un signalement là, qui, par rapport à la responsabilité de l'être humain qui doit intégrer des sciences qu'il ne maîtrise pas. Vous savez, là, certains médicaments, certaines époques qui ont engendré déjà des malformations. Mais non, les anomalies génétiques, ben, je suis pas un darwiniste, mais je pense que il y a quand même une réalité dans son idée d'essai-erreur par rapport à la nature, même si je crois pas vraiment qu'il y a d'erreur. Donc, c'était quoi? Dans les deux images que j'ai présentées, ben, je vous donne une formule. Une formule qui permet de faire le lien entre différentes traditions, qui permet de voir que c'est la même chose. Puis qu'il y a plein d'applications aussi possibles, mais là, ça dépend tout le temps des intérêts des gens. J'ai vécu plusieurs fois des choses et je savais en avance tout ce qui se passe, comme si j'ai déjà vécu votre avis sur des vécus. De choses comme ce que j'ai vécu. C'est étrangement formulé, ça. Attendez, je vais relire ça. J'ai vécu plusieurs fois des choses et je savais en avance tout ce qui va se passer, comme si j'ai déjà vécu votre avis sur des vécus. OK, mon avis sur des vécus de choses comme ce que j'ai vécu. Je pense que le temps et l'espace sont une illusion et que l'être humain est beaucoup plus vaste qu'il le pense, que l'ego est restreint, mais qu'il peut communiquer avec d'autres parts de lui qui sont en dehors du temps et de l'espace et qui peuvent lui acheminer de l'information. Donc, je pense qu'il est possible de se souvenir du futur à mesure où ça se défile dans le présent. Souvent, là, il y a un petit délai, mais trop court pour des fois pour que ça serve, mais oui, à mes yeux, le temps et l'espace sont des illusions jusqu'à un certain point, pas pour l'ego. Mais l'ego, c'est comme la pointe d'un iceberg. C'est très restreint, un ego, parce que c'est plus vaste que ça, un individu, un être humain. C'est ce qui explique qu'il y a des voyants, entre autres. C'est ce qui explique que certains dons que des gens ont. Donc, c'est comme l'impression de déjà vu, c'est ça qui essaie de se manifester, mais qui n'est pas encore très manifeste. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'actrice Sylvie Catherine Beaudoin. Il y a une quinzaine d'années, elle avait été interviewée et elle avait eu une expérience traumatique. Elle avait été kidnappée par des individus très agressifs. Et elle pouvait lire leurs pensées. Elle était dans un état de survie et ça a déclenché des capacités chez elle. Elle pouvait savoir à mesure ce qu'il disait. C'est pas ma langue maternelle. Le cas, j'ai appris russe et français après 35 ans. J'ai appris tout sur le bord. C'est très impressionnant, ça. Le russe est une des langues, je pense, les plus difficiles. C'est dans les langues que j'oserais même pas essayer d'apprendre. Parce que ça m'a l'air très, très. Très, très compliqué. Je ne pense pas avoir le cerveau configuré pour une langue aussi. Dans une vidéo précédente, j'abordais le sujet du double. Fais-tu référence au mythe de Janus? Ah, le dieu des portes? Eh bien non, je pense que c'est le mythe de Janus qui fait référence à ce dont je parle. Hein, pourquoi pas? Moi, mais Janus est lié, entre autres, à une jonction du temps. Vous voyez un visage qui est plus vieux, puis un visage qui est plus jeune. Dans sa double face. C'est une divinité liée aux portes, aux seuils, aux paliers. Donc, non, je pense que c'est Janus d'un point de vue involutif qui fait référence à des sujets que je pourrais aborder d'un point de vue évolutif, que ça fait partie de l'enfance de l'humanité. C'est prétentieux, hein, ce que j'ose dire là.

qui sont, qui n'ont pas eu le potentiel d'incarnation, qui vont assumer une partie de l'expérimental de la personne à sa place. Et ça, il y a notamment des cas, là, il y a un jeune homme aux États-Unis qui a même été acquitté de plusieurs crimes qu'il avait commis parce que des experts en cours sont venus, au sens de leur théorie, là, entre guillemets, démontrer que ce n'était pas lui qui était l'auteur de ces faits-là. Et il y avait chez lui des phénomènes là, même paranormaux. Là. Quand il s'était telle personnalité, on parle de quelqu'un qui avait eu des traumatismes dans l'enfance, là. Et quand c'était telle personnalité qui avait le contrôle, il avait certaines aptitudes, notamment de ces personnalités qui parlaient parfaitement certaines langues, une autre qui avait un trouble nerveux qui tout d'un coup se manifestait, des choses inexplicables au sens de la neurologie comme on la connaît. Donc, quand il y a des graves traumatismes au niveau de l'expérimental de quelqu'un, puis que c'est très dur psychologiquement, un ego tout seul peut pas assumer ça. Tout ça, c'est trop. Il peut y avoir un refoulement, c'est là qu'il peut y avoir des, si on peut dire entre guillemets, des personnalités secondes qui vont assumer cet expérimental-là à leur place. Donc, oui, MK Ultra visait à essayer d'étudier et de trouver des applications à ces phénomènes-là. Des façons de se servir de ces phénomènes-là. Donc, oui, d'ailleurs, MKUltra, ils ont fait des expériences à Montréal, et pas juste à Montréal, là, mais notamment, là, le gouvernement canadien est au courant, puis ça allait complètement contre les droits là, des gens. Ça aurait dû... Oh oui, la CIA. Ben oui, MKUltra, c'est un programme de la CIA. Mais oui, ils ont exprès créé des traumatismes pour engendrer des dissociations pour étudier le phénomène, pour essayer de le comprendre et de s'en servir. Le but, c'était, semble-t-il, de créer des agents qu'ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont agents. Et ça, c'est l'agent parfait. Donc, oui, c'est des choses glauques, ça. C'est des choses glauques. J'ai des choses, j'aime pas penser à ces choses-là. Ça. Moi, je vois pas d'intérêt pour moi là, là-dedans. Là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Alexandre Le Breton, il parle de MK Ultra. Oui, puis il baigne tellement beaucoup dans ces choses-là que ça peut être dangereux psychologiquement pour quelqu'un. Ça le garde dans une vibration assez basse. Mais il semblerait qu'il ait un mandat lié à ça. Donc, c'est quelque chose de très lourd et puis je pense qu'il a droit à toute notre sympathie parce que c'est un job. Mais possiblement qu'à travers, il y a des choses qui sont exagérées ou pas réelles. Je dis pas que la totalité, au contraire, il y a des choses que c'est malheureusement très vrai. Mais c'est ça, qu'on est tout le temps dans un même sujet puis qu'on est enfermé dedans puis que c'est notre spécialité. Des fois, on développe des... Mais oui, c'est deux choses auxquelles j'aime pas beaucoup penser. Pourquoi? Parce que ça vibre bas, puis... Mais oui, s'il y a des choses comme ça, on n'a pas le choix de considérer que c'est réel, puisqu'il y a en masse de il y a de la documentation. Puis c'est pas juste des témoignages, là, il y a des papiers officiels. Donc... Mais si on considère, par exemple, au niveau gouvernemental, toutes ces expériences-là, c'est appliqué aujourd'hui au niveau d'un large public, ça fait partie de la manipulation de masse. Et les écoles publiques qui ont certains programmes de... En tout cas, l'instruction publique, c'est vraiment de la marde. Question, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le souvenir, la mémoire d'avoir vécu le trauma et qui, 20 ans après, cela revient... Et sa conscience, que se passe-t-il? C'est que l'âme a enregistré l'événement. Puis il peut avoir des failles dans l'ego comme un événement déclencheur qui ramène la mémoire de l'événement. Entre autres, qui va avoir, si on peut dire, des flashbacks. Là, c'est comme quelqu'un qui est post-traumatique d'être allé à la guerre. J'ai fait une seule crise d'épilepsie il y a 20 ans et je me questionne s'il peut y avoir un lien avec l'énergie supramentale. Il y a des phénomènes dans le supramental qui ressemblent à des crises d'épilepsie. au sens, il y a des décharges électriques dans le système nerveux. Mais comme c'est du cas par cas, puis 369, Nikola Tesla, il a dit, c'est la clé de l'univers. Ben oui. Ben oui. C'est comme il y a un monsieur d'Archimiste là, qui est allé me dire, ah, une clé, blablabla, bla, bla, mais où est la serrure, gars? J'ai juste lu lui, puis je suis pas allé lui répondre pour, vous savez, j'ai mauvais caractère. C'est facile de me mettre en colère, surtout quand je considère que quelque chose est insignifiant. Mais c'est un peu comme les gens qui, des archéologues qui cherchaient le Saint Graal. Ils ont jamais compris que la métaphore, ils ont jamais compris que c'est le réceptacle du Graal, c'est eux. Qu'est-ce qui reçoit l'esprit? C'est quelqu'un d'incarné. Donc, le Saint Graal, il faut pas le chercher dehors, il est dedans. C'est une métaphore. C'est pareil, Monsieur Darkimist, où lui, il cherche une serrure. Il n'a pas compris que c'est... En tout cas, ça m'a mis en colère. Mais, oui, ça me dit quelque chose. Vous êtes gentil et pas méchant. Oui, mais j'ai mauvais caractère. J'ai mauvais caractère. J'ai une forte personnalité. Dans le sens que c'est facile de me faire sortir de mes gonds avec certaines clés. Surtout quand je vais se répéter l'aspect involutif qui va empêcher la lumière. Les émotions sont neutres et en tabarnak. Mes émotions sont neutres et en tabarnak. Ben, quand je vais bien, ça veut dire que je suis indifférent. Là, je me sens bien. C'est mon état préféré. Mais il faut se faire mettre en mouvement de temps en temps. Mais de toute façon, disons que c'est facile de me mettre en vibration. Je ne suis jamais vraiment en colère ou vraiment haineux. Je peux être en colère, mais c'est jamais contre la personne. Ça va être contre quelque chose d'involutif que je vois ou de retardateur que je vois. Comme les gens là, qui veulent à tout prix faire des sorties en astral, ça me met très en colère parce qu'il y a un piège là-dedans. C'est ici maintenant que ça se passe pas. Ça va faire comme un année. C'est étonnant ça. Oh non, j'ai encore raté le début. Bon, ben vous pourrez par après le reculer. C'est vrai, ça prend, je pense, 24 heures. Si vous copiez l'adresse du vidéo qui joue en ce moment, vous pourrez par après le mettre dans la... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, la ligne en haut. Il faut avoir le caractère. Heureusement, je suis une ancienne timide. Et la vie m'a forcé de changer. Ben oui, ben c'est à force de souffrir de quelque chose. Souvent. C'est comme... Ça m'est arrivé de voir des gens dans des lieux publics. Dès que ça rit quelque part, ils regardent puis ils veulent savoir qui rit puis de quoi ils rient. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup ri d'eux. Ils ont déjà fait rire d'eux. Ça suffit de retenir notre parole. Oui. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait du discernement et de la tempérance. Parce que ça peut être dangereux. Je parle pour l'individu. Donc, le discernement vibratoire. Au début, ça sort tout croche, oui. Et à un moment donné, ça s'ajuste. Ben moi, ça sort tout croche encore des fois. Puis même là, c'est rare là, que je vais me mettre à parler. Il y a dernièrement un correspondant, je lui ai répondu par vidéo. Puis par après, je réécoutais. Puis sur 57 minutes, là, je parle réellement pendant peut-être 2-3 minutes. Où justement, je dis, le plan matériel doit être de plus en plus colonisé par l'esprit. Les instances qui veulent garder le contrôle de ce plan-là ne se laisseront pas évincer sans coup d'éclat. Puis là, je continue comme ça pendant un bout de temps. Mais ça ne dure pas longtemps. D'après moi, l'hypnose vibratoire style Dolores Cannon est de l'astral. Je suis pas au courant de ce cas-là, Dolores Cannon. Mais l'hypnose, c'est ça, plus souvent qu'autrement de l'astral. Ou c'est lié à l'astral. Ou à un marchandage avec l'astral. Ou c'est souvent à recommencer. De toute façon, il y a un jeu par rapport au corps. C'est lié à de la vibration des corps. L'hypnose. Il y a des techniques là-dedans qui vont être utilisées, mais la mécanique, la vraie mécanique qu'il y a derrière, c'est pas encore connu, là, c'est pas encore découvert, en tout cas à mes yeux. Donc, j'ai de la misère avec ça. Même l'hypnothérapie, puis ces choses-là, j'ai de la misère avec ça. C'est comme quelqu'un qui irait arrêter de fumer par de l'hypnothérapie, il n'intègre rien. La personne est aussi bien d'arrêter de fumer par elle-même à force de volonté. Au moins, là, il y a de la volonté d'intégrer. Il y a une volonté de manifester. Donc, l'hypnose, à mes yeux, ça reviendrait à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, là, anciennement, de la magie. Parce que c'est des techniques liées au plan, entre autres, au vibratoire, mais ce n'est pas intégré en tant que science. Donc, j'ai de la misère avec l'hypnose influence sur le corps éthérique. Sur le corps éthérique, je ne sais pas, mais ça influence les corps. En tout cas, le corps physique. Puis, en agissant sur l'âme, on peut agir sur le corps physique. Vous pouvez, si vous répétez 100 fois à un enfant qu'il est stupide, il va perdre de l'intelligence. C'est une forme d'hypnose. C'est les mêmes principes. Il y a de la suggestion, puis c'est inconscient. Donc, car cela joue sur la volonté, ça peut. Un chef chez nous, il m'a dit, je t'en veux, je t'arrive pas à la cheville. Je suis sincère et je triche pas, il m'envie, pourtant il est riche, il a tout. Moi, je suis pauvre. C'est spécial ça, parce que moi, mon père, il me disait des fois, il dit, ah, je t'haïs, puis je sais qu'il ne m'haïssait pas, il disait ça d'une façon voulant dire, je suis jaloux. Il me disait, tu comprends des choses que je comprends pas. Puis pourtant, il n'y avait pas de raison, au contraire même. Mais c'est parce que il y a bien des gens qui deviennent riches, qui réussissent dans la vie par compensation. Ils réussissent à l'extérieur pour compenser le fait qu'ils ne réussissent pas à l'intérieur. Donc, ils vont jalouser les gens qui sont juste les gens qui sont bien. Juste être bien dans votre peau, là, vous allez vous faire jalouser par plein de gens, notamment des gens très riches, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'influence. Puis c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler les activités de compensation. Peux-tu expliquer les lignes de temps parallèles? Je ne me suis jamais penché sur ça. Mais je pense qu'il y a de la sympathie vibratoire entre différentes structures, puis que ça engendre des conjonctures, puis des inter-influences, il y a des échanges. Puis même l'événement, c'est jusqu'à un certain point, ça reste juste de l'information qui se cristallise. Donc, ben non, je ne peux pas les expliquer. Je peux en parler, mais je ne peux pas expliquer. Puis même, c'est des phénomènes que je ne sais même pas qu'est-ce que vous voulez dire. Mais je pense que des structures parallèles qui se suivent, il peut y avoir des sympathies liées à la structure qui font qu'il y a des échanges entre les deux, puis il va y avoir des conjonctures. Donc, ça peut engendrer toutes sortes de phénomènes. Puis, bon, c'est ce que je peux dire sur ça, là. Est-ce que c'est correct? Je ne sais même pas de quoi je parle. J'en ai aucune idée. Mais oui, d'un point de vue de loi systémique, des structures semblables. Souvent, je rigole et il me dit, tu rigoles, mais je ne veux pas pleurer toute ma vie. Lui, il rigole jamais. S'il rigole, il force. Dommage. Ben, les gens chez qui il y a de l'activité de compensation, vous allez ressentir un manque de spontanéité et aussi un manque de quelque chose d'artificiel. Vous allez voir quelque chose d'artificiel. Comme vu que je vis avec quelqu'un, puis que j'ai pas ben, le choix d'écouter la TV, la télévision, ces temps-ci, il y a un programme, là, un souper presque parfait. Puis là, à travers la gang, cette semaine, il y avait un millionnaire. Un monsieur qui a très bien réussi dans les affaires, un contracteur qui fait des projets immobiliers. Et ce gars-là n'avait pas réellement de spontanéité, il sonnait artificiel et jusqu'à un certain point, il mettait tout le monde mal à l'aise et il donnait tout le temps l'effet d'être déconnecté du groupe. Ça, c'est quelqu'un qui a réussi à l'extérieur, mais qui, pour compenser l'effet qu'il est bloqué à l'intérieur, ça fait des gens qui sont incapables d'être spontanés parce qu'ils sont tout le temps dans le calcul. Il faut qu'ils réfléchissent à chaque chose qu'ils disent parce qu'au fond, il y a un manque de confiance. Ça peut paraître paradoxal, mais je suis spontané et des gens, ils sont choqués. Ils n'acceptent pas les gens spontanés. Oui, parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'être.

Ça me fait plaisir. Et par rapport à ce qu'il y a des choses qui ont été abordées, qui peuvent être élaborées, j'imagine. Donc, hein, j'étais à parler que j'avais fait un rêve dernièrement. Je donnais à boire à des oiseaux. J'ai toujours à me demander les intelligences derrière la forme, ce qu'elles veulent transmettre. Puis, j'étais dans l'endroit où j'habite en ce moment, puis j'avais trouvé dans ma cuisine des petits oiseaux totalement déshydratés, vous savez, tout affaiblis. J'essayais de les faire boire dans des contenants, et ils tombaient dedans tellement ils étaient faibles, et je devais les sortir pour pas qu'ils s'y noient. J'ai vu un parallèle avec Patrick, possiblement, mes échanges avec le phénomène du déjà-vu. Ben oui, mais c'est comme je disais, on peut se souvenir du futur, mais comme ce n'est pas intégré tout à fait, que ce spontané, il n'y aura pas le délai nécessaire pour qu'on puisse s'en servir nécessairement. Qu'est-ce que vous pensez du triangle des Bermudes? Ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de. Je pense qu'il y a possiblement des phénomènes météorologiques différents, là, magnétiques aussi. Parce que la Terre, au niveau là, de son électromagnétisme, et puis que ça peut faire toutes sortes de phénomènes. Mais je pense pas que juste le triangle des Bermudes, je pense même que ces phénomènes-là peuvent se déplacer selon des cycles. Courber le temps, ah ben même pas besoin. Je pense que la linéarité du temps est une illusion, engendrée par l'incarnation, entre autres, par l'ego, la perception. Que c'est quasiment une recréation, une reformation, une formation de l'information, dans le sens que nous donnons des formes linéaires aux choses. Par nature, parce que nous sommes dans un monde densifié matériel au niveau de notre perception, mais nous restons multidimensionnels. Donc, le temps est déjà courbe. Vous pouvez juste courber votre perception, puis peut-être même voir ailleurs dans le temps, transcender la densité. Je voudrais votre opinion sur Robert Saint-Onge, physicien québécois décédé en 1994. Je ne connais pas. Et le fait qu'on a de la mémoire, ça aide pas moins. Oui, parce qu'en plus, la mémoire change. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des souvenirs qui changent alors que l'événement factuel n'a pas changé. Et puis ça nuit, ça fait partie de la subjectivité. Il y a peut-être un lien entre le triangle des Bermudes et l'Atlantis. Je vais être franc. Je crois pas, je suis pas porté à croire beaucoup, je vais suivre des intuitions, des choses comme ça. Mais est-ce que les Atlantéens ont réellement existé? Mon intuition me dit que oui. Mais est-ce que c'est le cas dans les faits? Ça, je le sais pas. Donc, de là à faire, c'est de la spéculation, hein, vous savez. Le temps est un spaghetti, tout dépend de quel sens on le regarde. Oui, mais possiblement qu'il y a des nœuds dans le spaghetti, puis toutes sortes de. Puis quand vous faites cuire des spaghettis, il y en a qui se collent ensemble. Et puis... Donc, peut-être que le temps est encore plus complexe que ça, beaucoup. C'est un peu, peut-être ça simplifie. Je sais pas. Mais par rapport à Robert Saint-Onge, ça me dit rien du tout. C'est pas un monsieur, ça, qui disait qu'il était en contact avec des Vénusiens, par exemple. Je suis pas sûr, je le mélange peut-être avec un autre personnage. On a tellement eu de gens spéciaux que. Pourtant, les prix Nobel du Canada, il n'y a pas un Canadien français. Pourtant, on est plein de gens. Ma voisine de 91 ans a peur de mourir. Comment parlerais-tu de la mort à une telle personne qui est catholique? Ben là, il y a des questions à se poser parce que si cette personne-là est catholique, ben elle a la foi, elle est censée pas avoir peur. C'est quelque chose de paradoxal. Moi aussi, je connais beaucoup des vieilles dames catholiques, elles ont peur de mourir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, là. Il y a quelque chose que l'Église n'apporte pas. Parce que moi, j'ai pas peur de mourir, puis je suis loin d'être vieux encore, là. Je pense même pas à ça. Même quand je serai vieux, je suis certain que ça me ferait pas peur. J'ai une de mes tantes qui a eu l'aide à mourir dernièrement, elle avait pas peur du tout, mais on avait des ressemblances là, au niveau de certaines opinions et certaines vues. Mais par rapport à la paix. Vous savez, ce que je veux dire là, c'est terrible. Mais le côté doctrinal de l'Église catholique nuit. C'est-à-dire que l'information qui vient de l'extérieur peut engendrer des coupures avec l'intuition interne. Et ça fait des gens qui ont des angoisses. Il y a une dame que je connais très catholique, là, elle a des idées noires. Et jamais personne ne lui a expliqué que la pensée vient d'ailleurs et qu'il ne faut pas s'identifier à ses pensées. Puis, pour une raison de respect, souvent la non-intervention, le respect, c'est lié. Je ne sais pas à moi d'aller lui expliquer ça parce qu'elle a besoin de sa foi. Dans le sens, pas la foi dans le sens d'une grâce, mais sa croyance à elle. Puis c'est là-dedans qu'elle est confortable psychologiquement, quand même. Puis ce que je lui expliquerais, ces choses-là pourraient la troubler, lui apporter un inconfort pire encore. Donc, comment je parlerais à une telle personne? Vous savez, c'est son expérience à elle, cette dame-là. Il y a des gens qui sont programmés pour être dans certaines structures. C'est à elle de. Savez, si les prêtres n'arrivent pas à leur enlever la peur de la mort, parce qu'eux-mêmes, c'est terrible ce que je veux dire là, mais sont d'une certaine ignorance par rapport à notamment à la vie et à la mort. C'est incroyable, hein? L'Église catholique, des gens qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de relations, étaient conseillers matrimoniaux et puis. C'est la même chose que la vie et la mort, au fond. La même. C'est pas grâce ni l'Église ni l'école qu'on avance dans nos vies, ben non. C'est la nécessité, souvent. Donc, peut-être cette personne-là va aller jusqu'au bout de sa peur, puis des choses vont se briser. Peux-tu nous parler de l'écran mental? Ben, c'est juste quand vous voyez quand vous voyez très clairement quelque chose à l'intérieur, c'est tout. Comme par exemple, si vous prenez quelqu'un, un intuitif qui avait des capacités de visualisation comme certains savants, ils l'ont, l'écran mental très développé, mais ils lui donnent pas ce nom-là. Marie, peut-être lui donner des fleurs de... Ah, vous parlez à madame. Des fleurs de Pâques. Oh, vous en remettez, vous, à des supports comme ça, externes? Est-ce que je sais pas ce que c'est des fleurs de Pâques? Ah, pour avoir peur de la mort, ben, l'Église a beaucoup fonctionné par la domination et le remords de toujours culpabiliser les gens. Elle a beaucoup fonctionné par culpabilisation, l'Église. Donc, elle a les fidèles qu'elle s'est semés. C'est dommage, mais. Ah oui, c'est vrai. Ben, je dois dire que c'est vrai ce que vous dites, que cette dame a besoin de support, mais vous pensez réellement que. Oui, en effet, détruire les repères, structures mentales de certains ferait beaucoup de dégâts. Oui, il s'agit de protection, comme beaucoup de croyances. Et oui, bonjour à vous. Fleur de Pâques, il ne doit pas être question de Jean-Sébastien Bach. Non, ben. Il doit y avoir des botanistes allemands qui s'appelaient Bach, qui ont peut-être même des horticulteurs qui ont créé des choses qui portent leur nom, j'imagine. Mais les plantes, les fleurs ont chacun des vibrations, des fréquences. Et il y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Moi, les conifères, je les trouve très énergisants. J'aime être entouré de conifères. Mais là, de donner une épinette à quelqu'un, là, une épicéa à quelqu'un, ça doit être plus. Ok, c'est pas le même bac. Non, ben, il y en a plein des bacs, hein. Il y en a beaucoup. Comment ils prononcent ça, les Allemands? Bach. On dirait que quelqu'un leur enfonce une fourchette à viande dans la gorge quand ils disent ce nom-là. Il fait 38 quintessences de fleurs. Non, les fleurs sont des fleurs pour calmer. Ben, moi, je trouve tous les végétaux calmants. Je veux dire, la présence de végétaux, moi, ben, vous savez, ici, j'ai une petite plante. C'est celle que j'ai conservée en déménageant, là. C'est celle que j'avais achetée avant. Puis, c'est une plante extrêmement résistante, en tout cas, je l'ai pas rempotée depuis longtemps. Puis, elle se débrouille, puis elle est encore bien. Un peu comme la camomille. Oui, ben, je me ferai pas d'infusion de ma plante, là. Je vais peut-être me ramasser à l'hôpital.

Pourquoi es-tu si virulent quand tu fais une vidéo réponse? Parce que je suis mis en vibration par de la colère au niveau de certaines forces que je vois passer à travers les gens. Des forces que j'ai combattues en moi, que je retrouve à l'extérieur. Les dirigeants sont tous des apprentis illusionnistes. Ah, ça, c'est oui. La richesse est-elle à l'intérieur et pas à l'extérieur? Il y a des gens qui ont une richesse à l'extérieur pour compenser un manque à l'intérieur. Mais paradoxalement, si vous trouvez une façon de voir et d'exploiter votre richesse intérieure, vous serez riche à l'extérieur. Ou au moins, vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Parce qu'il y aura une vue très claire. Non pas au niveau d'une opinion de ce qu'il faut faire, mais vous allez voir ce qui est plus logique à faire. C'est juste de devenir plus objectif. Il y a 2 jours, on croyait qu'elle dormait dans son fauteuil, mais en fait, elle était en train de partir. Sa fille a tapé sur son cœur et elle est revenue. Elle s'accroche à la vie. Vous parlez de la dame qui a peur. Ben oui, j'ai connu une dame qui a. Elle avait un cancer en forme généralisée. Elle a toffé des années de temps là, qu'elle a enduré. Puis même ses médecins ne savaient plus quoi lui donner. Il y a des gens qui ont une volonté de vivre qui est liée à la peur, mais c'est lié à l'instinct de préservation. C'est de l'animalité psychologisée en quelque sorte, et c'est très, très fort. C'est difficile de. Pourtant, ces gens-là, quand vous venez à bout de les apaiser, leur dire, tu peux partir. Les gens, une fois libérés du psychologique, ils se laissent partir. Des fois, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. Ils souhaitent se réconcilier avec un de leurs enfants ou ils attendent la visite d'un de leurs enfants. Puis ça peut être très fort, ça. J'ai vécu 5 ans au Québec. J'ai travaillé pour le ministère des Forêts. Ah oui. Eh bien, c'est. Ouais. Vous avez dû en voir des conifères. Hors sujet, mais si tu sais quelque chose sur. J'aimerais l'entendre par rapport aux non-vaccinés qui ressentent des effets après avoir été en contact avec des gens vaccinés, quelle serait la cause? Moi, je ne suis pas vacciné et je n'ai pas ressenti ça. Donc, ça pourrait être d'ordre psychosomatique. Possiblement, là. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça pourrait être d'ordre psychosomatique. Aussi, peut-être que la protéine Spike, ça se transmet. C'est difficile, on ne nous dit pas tout. Donc, dès que leur. Ben moi, je suis pas. Comme je vous dis, ça pourrait être d'ordre psychosomatique. Aussi, peut-être que c'est d'autres choses qui sont ressenties, mais que c'est actualisé d'une façon déformée. Dès qu'elle rêve, s'aperçoit que je sais que je rêve, je me réveille. Oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça beaucoup. Mais c'est un peu comme. Vous savez, des arnaqueurs, dès qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas vous arnaquer, ils s'en vont. Donc, le rêve devient inutile parce qu'il y a quelque chose d'une mise en situation dans le rêve. Si vous vous rendez compte que c'est une mise en situation, c'est possible qu'il s'arrête. Mais juste le fait de recouvrir une certaine conscience, une certaine centricité peut ramener dans, semble-t-il, là, dans le corps physique. Oui, mais le problème de cette virulence, c'est que. Tu interprètes les propos des gens comme nous tous, et du coup, peut-être que tu tombes à côté de ce que la personne voulait dire. Si la personne est mal ajustée, puisqu'elle dit est désajustée, je considère que j'ai le droit. C'est comme par exemple, si j'invite quelqu'un à souper, puis qu'il se met les pieds sur la table, parce que tout simplement, il y a une incompréhension de certaines, d'une certaine étiquette, c'est pas mon problème. J'ai le droit de le mettre dehors. Un droit que je ne m'accordais pas avant. Puis de toute façon, c'est par des chocs, hein, que, en tout cas, la richesse provient de sa capacité créative, le cristal en action en temps réel. J'étais planteur d'épinettes dans le nord du Québec et j'ai fait plusieurs photos où je suis entouré d'orbes. Oui, il y a beaucoup de choses ici. Il y a de l'énergie qui circule dans le sol, notamment à cause des métaux, de l'eau et d'une certaine. C'est très plat, hein, le terrain. Vous avez dû remarquer ça. Donc, il y a quelque chose ici d'une certaine charge dans le sol. Oui, exactement aussi, cela m'est arrivé plusieurs fois dans des rêves lucides. Oui. Bonjour, que pensez-vous de Grabovoi et ces chiffres qui ont une action précise et les prononçant? Pour moi, c'est de l'astral. Oui, possiblement, parce que l'astral va être donné à un sens subjectif qu'on donne. Donc, ça me fait penser à un vieux dessin animé. Là, il y avait un chat, dès qu'il prononçait un chiffre, il apparaissait une entité qui était un autre chat mort spectral, puis il était mort de peur tout le temps. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Quand c'est que on rêve, on peut même modifier, faire en sorte d'évoluer. Par rapport là, aux gens, des fois, là, que je vais répondre, là, puis ça cause des chocs. Si la personne n'a pas su s'exprimer d'une façon ajustée, il y a là quelque chose. Ça veut dire que la personne, possiblement, là, il faudrait qu'elle apprenne des fois à être. Comment je pourrais dire ça? Il y aurait moyen. Justement, il faut qu'il y ait un apprentissage de voir si c'est ajusté ou pas. Donc, par rapport à ça, des fois, il faut s'abstenir, puis la personne ne le sent pas parce que ce n'était pas ajusté, tout simplement. Mais j'ai vu de réelles choses complètement à côté de la plaque. Mais vraiment, là, d'une façon que. C'est certain que j'interprète ce qu'on me dit. Il reste que c'est pas par rapport à un sujet d'hyper un tiers ou à un sujet. Je pense que j'ai le droit d'interpréter ce qui est dit sur même ce que je dis, parce que moi, je sais ce que je veux dire. En tout cas, la région de Mégantic, précisément, là où les trains ont explosé, quelque chose dans le sol d'une grande valeur. Ben, c'est une région que je connais pas, dans laquelle je ne suis jamais allé, mais tout le bouclier canadien a quelque chose d'une charge. Mais si on dirait que c'est plus on est vers le nord, pourquoi est-ce que les lampadaires s'éteignent quand je les approche? Moi aussi, ça fait ça. Oui, ben moi, ça me se produit surtout si je suis tout seul. Il faut dire que c'est rare que je marche avec quelqu'un, là. Je marche très rapidement, puis les gens, Charles, il faut que je les attende. Donc, j'aime pas ça, marcher avec d'autres personnes. Mais d'ailleurs, ça m'a. Cette habitude-là de marcher beaucoup m'a. En tout cas. Mais oui, il y a quelque chose, c'est ce qu'on appelle des personnes électriques. Puis, si vous faites une recherche, vous allez trouver des articles sur Internet par rapport à ça. Possiblement que vous êtes. C'est l'électromagnétisme que vous avez. Ça peut être très sensible, un lampadaire où il y a le contact. Et momentanément, vous pouvez changer la charge d'un. Mais si vous remarquez, si vous vous éloignez un peu du lampadaire, il se rallume. Vous attendez un peu, vous réapprochez du lampadaire, il va se rééteindre. Mais moi, ça fonctionne plus si je n'y pense pas. Si j'essaie de le faire volontairement, ça marche moins. Ça arrive quand je veux pas. Pourquoi? Quand les bébés sourient, ils sourient aux anges ou à des entités. Ben, le bébé est en apprentissage. Je veux dire, c'est normal qu'il rit. Puis le bébé, moi, à mes yeux, je vois pas, il n'y a pas de besoin de donner du sens à des histoires d'entités ou d'anges. Pas nécessairement. Et puis, un bébé, son cerveau est en formation. Donc, possiblement que ça obéit à un besoin qui est lié. C'est pas. Mais peut-être, je pourrais pas vous répondre. Mais ce que je trouve le plus logique, il y a arbre et autre chose, mais je trouve pas les noms. C'est long comme des insectes. Ah, moi, ouais, je sais ce que vous parlez. Ben, il y a eu, dans les années 90, il y en a beaucoup qui parlaient de ça. Et ce serait dû à un phénomène d'optique. Un phénomène optique quand il y a un certain éclairage et qu'il y a un insecte qui passe très rapidement, parce que c'est plus difficile avec des caméras numériques, semble-t-il. Mais là, je ne sais pas, c'est peut-être pas un phénomène juste d'optique lié à des insectes. C'est des petits bâtons, là, avec. Oui, c'est comme des bâtonnets qui voyagent très très rapidement. Là, il y en a qui feraient plusieurs dizaines de pieds de long. Je me suis pas penché beaucoup sur ça. Mais le fait est qu'il y a une faune à mes yeux qui est présente tout le temps et que dont nous n'avons pas une perception parce que ça vibre à une autre fréquence. C'est peut-être de cet ordre-là. Mais toi, tu le perçois inajusté, mais c'est peut-être juste ces mots, tu as le droit de. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? Parce que là, si vous vous mettez à parler pour d'autres vous-même, c'est ça. Ah, c'est Monsieur Trajan. Monsieur Trajan. C'est parce que vous savez, il y a des gens qui sont spiritualisés, puis même des fois, la plupart du temps, je suis indulgent. Mais j'aime pas cette vibration-là, puis il y a des choses qui se perçoivent au-delà de même ce qui est dit. Puis comme je vous ai dit, j'ai pas la patience. Ça met en colère. Vous savez, ça prend quelque chose, ça prend l'énergie. Il y a une différence entre une colère mentale puis une colère psychologique. Puis oui, moi je considère que c'est correct. Moi, personnellement, je n'ai aucun remords, Monsieur Trajan. Comme vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, Route Lorraine, là, elle est barrée ici. Vous verrez plus rien d'elle. Qu'elle aille sur son bord puis qu'elle fasse ses affaires. Qu'est-ce que tu veux exprimer? Bon. Car cette colère, qu'est-ce que c'est? Extériorise, me donne envie de tout couper la parole. Ben, t'as rien qu'à aller ailleurs. Si ça fait pas, tu vas ailleurs. Moi, je vais pas à des places qui me mettent en crise. Je suis pas tout le temps, moi, à aller donner mes commentaires. Je le sais-tu, moi, je donnerai pas d'exemple, mais moi, quand ça marche pas, j'y vais pas. Ou quand ça passe pas, j'y vais pas. C'est pourquoi ce besoin, justement, de venir, hein? Posez-vous la question. Parce que, et fermez la vidéo, mais tu as le droit. Tu fais ce que tu veux, je discute, c'est tout. Ouais, mais c'est pas, j'ai pas envie de me faire chier. Je suis pas là pour ça. J'ai pas envie d'en faire chier d'autres non plus. Moi. Je dois vaquer à mes occupations. Merci pour. Ah ben merci à vous, Madame Urbanski. Moi aussi, là, vers midi, là, je vais devoir aller manger. Sûrement un non-dit. Ben oui, mais c'est ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Moi, quand m'imaginez-vous, moi, aller dans des magasins de nouvel âge, aller commencer à faire la leçon à des matantes qui tripent sur une vision naïve et spiritualisée des anges, puis là leur expliquer votre pensée est colorée par de la mémoire, puis c'est vous le faites par compensation pour donner un sens à votre expérience. Puis vous m'imaginez-vous, moi, aller me chicaner sur la page de des gens comme ça, ou aller écœurer le monde? Une fois que. Puis il y a aussi à un moment donné, il faut baliser le terrain. C'est-à-dire, il y a du monde que c'est pas le supramental, je veux dire, ils sont pas marqués pour ça, puis c'est pas bon pour eux. Parce que ça peut pas faire autrement que d'engendrer des chocs. Puis ils seront pas contents. Ils seront pas contents. Vous savez, là, par exemple, là, moi, on m'a rapporté là, des colères que Bernard a fait à des gens, là. C'était mémorable, la personne tremblait. Le système nerveux, là, puis il comprenait pas pourquoi Bernard était en colère comme ça. Puis, mais des pétages de coche, là, mémorables. Puis la personne en tremblait, puis. C'est que, moi, il y a des choses que c'est pas la place, là. Va jaser de ça avec du monde autour de sur la page de Glenn, tu sais, ou sur du monde qui sont dans des affaires de même, qui sont à cette fréquence-là. T'sais, maintenant, quand tu te rends compte que tu n'es pas sur la même longueur d'onde, moi, c'est un peu comme. J'ai pas envie, moi, d'ouvrir mon frigidaire puis de trouver dedans une patente qui n'est pas d'affaire là. Maintenant, c'est normal. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que c'est ça, là? En tout cas, le nom de perdre du temps et de l'énergie. Ouais, mais moi, quand je me choque après. Souvent, ça m'est arrivé de me mettre en colère pour récupérer de l'énergie. Ça, des fois, ça m'énergise, hein, puis l'énergie, elle vient pas de. C'est que l'astral est souvent un tiers dans le conflit entre individus. Peut mener l'un des deux qu'il faut qu'il récupère ça. Fait que. Donc. Ouais, Vincent, mais pourquoi tu le piques? Il y a sûrement de quoi que tu veux exprimer. Ouais, ben, l'affaire, c'est si tu t'exprimes mal, c'est pas de ma faute.

va me nuire. Il y a du monde, ils vont se mettre en grave initiation s'ils s'intéressent trop à certaines choses. Moi, ce que je fais, je balise un terrain, je donne un avertissement, mais je ne dis pas au monde quoi faire, sauf quand c'est dans ma maison. Si c'est chez nous, là, j'ai le droit de dire dans tout, là, comme Ruth Lorraine, je me suis tanné. Je me suis tanné. Elle, j'ai senti qu'il n'y avait rien à faire. Fait que je l'ai barré pour qu'elle puisse plus mettre de commentaires. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'avais jamais fait ça avec ça. Qu'est-ce que je pense de Krishnamurti? Chaque chose que j'ai vue ou que j'ai lu de Krishnamurti, c'était très bien. J'ai rien à redire, en tout cas. Je saurais pas quoi dire, mais j'ai rien à redire. Vraiment, là. BDM. A dit BDM, a fait. Ben oui. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je te dis, ce Christ, il vibrait plus fort que les autres. Puis à chaque fois, moi, quand je vais dire BDM a dit ça, d'ici, a fait ça, c'est parce que je vois quelque chose que Christ, c'est ça. Je veux dire, il y a des choses que je pensais que je n'arrivais pas à mettre en mots, puis BDM l'a dit, lui, il l'a mis dans des mots. Fait que, il y a un très grand mérite pour moi. Pour moi, il a fait et tout des conneries, BDM. À un moment donné, les huissiers étaient chez eux puis ils dormaient sur des matelas. Tu sais, je veux dire, je l'ai jamais mis ça. J'ai jamais dit qu'il était infaillible. Donc, c'est juste une référence simplement. Ben oui. À quoi tu veux que je me réfère? Au curé d'Ars? Des fois, ça prend des formes. J'ai pas le choix d'être dans un mode analogique, au sens de. Ben, je pourrais tout le temps me donner des exemples. Puis d'un moment donné, blablabla, puis d'être tout le temps dans l'anonyme. Je ne suis pas pour me mettre là à jaser de. C'est quoi? Il faudrait, moi, là, je parle de. C'est quoi, là? Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux disait. Je n'ai jamais pu, je n'ai rien contre cette mystique-là, c'est un exemple. Chacun ses référents. Il n'a pas eu besoin d'aller ni de personne d'autre, juste savoir regarder. Ben oui. Ben qu'est-ce que tu fais ça si tu as besoin de personne? Qu'est-ce que tu fais? L'affaire, là, c'est comme je te dis, il y a des choses que j'ai vécues, puis que j'ai vues. Puis la seule qui l'a mis en mots, la seule personne qui a réussi à le verbaliser, c'est Bernard. Puis c'est ce que je trouve de plus ajusté, dans ce que j'ai vu de plus clair. Mais je ne l'ai jamais dit qu'il était infaillible ou que c'était une. Que Bernard, je ne suis pas en train d'en faire une divinité, là, au contraire, des fois, je trouve ça con. Des fois, il a sorti des choses et ça, il s'ajustait beaucoup à des sujets à la mode. Ce que je fais moins, je pense, parce que, bon. Mais des fois, il était con, là. Je veux dire. Comme moi, des fois, je suis bien con. Il faut aussi les dominer par des forces pour aller foutre le trou. Bon, ben là, ça, c'est votre opinion, là. Je pense que c'est pas nécessairement ça. De l'idolâtrie. Savez-vous ce que c'est de l'idolâtrie? Vous avez juste à aller dans une église catholique pour avoir du monde allumer des lampions devant des statues. C'est ça de l'idolâtrie. Une idole. Une idole, là, c'est une forme que l'on nourrit inconsciemment. Je pense pas que je nourrisse Bernard, là. C'est un. Bernard, je le vois comme une carte. C'est un peu une carte. C'est balisé, ça balise un peu. Oui, exact. C'est pas un dieu. Il sera en crise que quelqu'un lui donne cette importance. Quelle importance, je poussière. Je pense pas y avoir donné tant d'importance. Des fois, je vous cite Sabourin, puis je suis loin d'être. Je suis loin d'être idolâtrice Sabourin. Hey, Sabourin, ils étaient. Le peu que j'ai jasé avec, là, des fois, c'était spécial. En tout cas, ça, c'est mon affaire, mais Sabourin, je pense qu'il est un bonhomme allumé, là. Il est sous le contact, mais il est comme tout le monde, il est comme moi, il a sa personnalité, il a ses défauts. Sabourin, il est Sabourin, fait que. C'est pareil pour les autres, Ménard, Marc de la Salle. C'est drôle, j'ai pas envie de donner d'autres faits. Élu votre place, quelqu'un vous parle comme vous. Parlez, réfléchissez un peu. Ben, c'est parce que là, moi, je t'avais de me dire, Monsieur Trajan, il va aller rejoindre Route, là. Parce que là, Chris, ça fait combien de temps qu'on parle pour rien dire, là, Monsieur Trajan. Bon, je vous laisse car j'ai l'air de faire chier. Bon, alors que ce n'est pas l'intention. Puis des suiveurs me traitent et ça me fascine. Comment ça, mes suiveurs? Un cinq. S'il y a quelqu'un qui a envoyé chier des suiveurs, c'est bien moi. Il y en a un qui. Ouais. Vidéo m'a descendu une instruction qu'on peut reconnaître ou pas en soi. Rien à voir avec de l'idolâtrie, bien que certaines personnes font des idoles de tout. Ben là, vous n'êtes pas obligé de m'aimer non plus. Oui, j'aime bien le monde. Y a-tu de quoi de plus tannant que quelqu'un qui t'aime? Tu sais, là, ça vient te suggérer la vidéo de Krishnamurti où il parle du yoga et de Kundalini. C'est la seule fois où on le voit avoir un fou rire. Oh, ben, c'est pas des sujets qui m'attirent, moi, le yoga. Est-ce que la forme se modifie par rapport à BDM, que la parole à ton individualité, la manière gérée, soutiennent ceux qui sont d'une génération différente? Ben, Bernard, justement, ce qui est. Les jeunes, ils s'intéressent pas à lui. Là, tu sais, je veux dire, pour une idole là, qui serait supposément idolâtrée de plus en plus, puis on est en train d'en faire un mythe, puis de. Il pogne pas, là. C'est pas populaire, moi, ce que je dis. Puis, c'est des sujets comme l'affaire d'essayer de décolorer la pensée, puis de déspiritualiser, puis de dénoncer l'astral, ça fait pas plaisir à personne. Il y a de la, j'ai jamais vu, c'est pas la folie, puis la joie, là. C'est pas moi qui va. Même, j'ai toujours été surpris qu'il y ait d'avoir autant d'abonnés. Mais même, ce serait plus facile à gérer s'il y en avait moins. Mais le côté psychologie est inversé fait que plus je me choque, puis plus je dis que j'ai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, plus il y a du monde qui s'abonne. Fait que, je me suis dit, ça passe trop vite pour que nos réponses soient justes. Et ça en même temps. Ah oui, l'amour crée les liens, tout à fait. L'affaire, c'est que, par exemple, que penser? Les effets Mandela. Les effets Mandela, moi, je pense qu'il y a de la subjectivité. Parce que prenez, par exemple, un des exemples qui était de. Puis que c'est lié à de la mémoire collective. Parce que prenez l'exemple. Prenez un exemple, l'effet Mandela, vous avez Pikachu, qui supposément. Moi, j'ai jamais trippé là-dessus, les Pokémon, mais comme j'ai une certaine mémoire photographique, je l'avais remarqué, le petit bonhomme dans le temps. Puis moi, j'ai jamais vu de noir sur sa queue. C'est ce qui est logique parce que sa queue symbolise un éclair de mettre du noir dessus, ça viendrait comme. Mais le fait est que dans la nature, les animaux qui ont un gène où ils vont avoir le bout des oreilles noires, ils vont souvent avoir la queue noire. Puis je pense que ça vient créer le faux souvenir qu'il avait le bout de la queue noire, tout simplement. Puis qu'il y a quelque chose d'une illusion, de création d'un faux souvenir, comme on le voit dans les quand on étudie la suggestion cliniquement. Donc, je pense que Pikachu n'a jamais eu de noir au bout de la queue parce que ça nuirait à son design dès que ça représente de l'électricité. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça. Mais dans la nature, les animaux qui ont du noir au bout des oreilles en ont habituellement au bout de la queue. Donc, il est possible en disant, tu te souviens pas, Pikachu, il y avait ça, puis les gens le voient dans leur tête comme ça parce que ça fait partie de l'âme et de la mémoire collective. Qu'habituellement, les animaux qui ne sont pas des animaux de fiction et qui ont le gène d'avoir le bout des oreilles noires ou le bout de la queue noire, ça vient créer un faux souvenir. Je crois pas vraiment à ça, l'effet Mandela, autrement que comme un phénomène de psychologie collective subjective. Puis, comme ça, c'est un exemple que je donne, le Pikachu, mais c'est comme, moi, j'avais pas le souvenir que Mandela était mort. C'est un peu le fait qu'il y a beaucoup de gens qui apportent ça, puis d'une façon, c'est facile à créer un faux souvenir chez des gens, il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. C'est lié à certains

mais je me mets à y réfléchir, le ressenti se déforme, puis je fais le mauvais mouvement. L'hypnose en contact avec la mémoire collective, c'est simplement rassurant pour l'ego. Ouais, ben, c'est l'information qui fait pas notre affaire, qui est importante. Puis le réel est inquiétant. C'est ce qui rassure, là, c'est souvent subjectif. Ben, il y en a qui enregistrent les séances, ceux qui veulent, en tout cas. En effet. Ouais, ben, ils vous plongent dans un état second. Puis ils veulent pas nécessairement. Il y en a qui ont développé des techniques qui leur sont propres, puis ils tiennent comme. En tout cas. Toutes ces histoires d'hypnose régressive et tout, me mettent super en colère encore ici. Sous couvert de supraconscience ou autre, les personnes fragiles se laissent mener par d'autres. Mais oui. C'est pour ça là, que l'affaire, là, par exemple, là, des formations, puis des affaires liées, par exemple, de servir des supports comme le tarot, puis il y a des choses comme ça qui ont fait leur apparition dans le supramental. Puis moi, quand je vous dis, moi, je pense ça, c'est au sens, c'est mon opinion, je suis pas dans l'assertion en train d'affirmer quelque chose, mais moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est en train d'être récupéré par l'astral, le supramental, pas à peu près. Le supramental, c'est pas compliqué. C'est de l'information objective qui vient d'en dehors de l'ego. Ou le fait d'être capable de voir que la pensée vient pas de soi, puis qu'il y a une mécanique là-dedans. Quand les parents partent trop longtemps, téléphone voir si la gardienne toujours moins. Moi, j'ai vu ça tantôt. Sais, puis c'est ça. Ça finit par. Ça a tout le temps été comme ça. C'est ça qui est enrageant. Le supramental, c'est censé engendrer une certaine colère qui va ensuite engendrer la volonté, justement, de voir au lieu. Quand la personne a vu plus être assurée, elle veut juste voir ce qui est réel puisqu'il l'est pas, là, là, ça va bien. Puis si vous finissez par vous rendre compte que je suis pas mieux que les autres, là, ça veut dire vous êtes en chemin, là, ça va bien. Justement, là, comme juste ce que je dis, là, qu'à un moment donné, Bernard, là, supposément que l'huissier était rendu chez lui, puis il dormait sur des matelas par terre, c'est très important. Parce que lui-même, il avait une certaine subjectivité, et il n'y avait personne qui n'en a pas. Puis c'est pour ça que, juste là, c'est comme moi, je me suis fait pogner d'une affaire, là. J'ai cru à quelque chose que Fitzgibbon avait dit, puis ça, en tout cas, un projet, là, un développement, là, puis il y avait des investisseurs, puis tout. Puis je l'ai cru. Je l'ai vraiment cru. J'ai perdu là-dedans. Même avec une bonne volonté au départ. Tous ces outils finissent par être détournés. On dirait bien. C'est pour ça que moi, les outils, je crois pas à ça. Dans le sens que l'affaire des outils, c'est des supports. Non, j'ai bien de la misère avec ça, comme il y en a un là, que lui, il donne des outils. Lui, c'est basé sur ça, puis je crois pas à ça. Moi, ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'est juste donner un son de cloche, genre, ben, on peut se fier à rien. De pas croire à rien, de pas être fixe sur rien, puis de pas mettre sa croyance, jamais, jamais mettre sa confiance en personne. Puis le pire, c'est que ça peut paraître comme ben mauvais, mais moi, j'ai confiance à personne, je crois à rien, je suis sûr de rien, puis. Qu'est-ce que vous venez de dire, là, cher? Ben, pas dans le sens que je suis sage, mais disons que je suis. J'y ai goûté moi aussi, là, puis on finit que, bon, on apprend en souffrant, hein, puis c'est aussi des déceptions. Puis je pense qu'il y aura toujours des personnes pour réajuster l'énergie supramentale. On ne pourra jamais se figer, ben, ça peut pas l'être. Mais en même temps, il va toujours avoir des coques qui se créent autour, en périphérie. Donc, de toute façon, moi, j'ai hâte de voir ça se manifester chez des gens, puis qu'ils donnent même pas le nom de supramental, puis que ça finisse par devenir de plus en plus fréquent, puis normal. que les personnes reçoivent de l'information qui vient d'en dehors d'eux, qu'ils savent que ça vient d'en dehors d'eux, puis qu'ils vérifient, puis ils se rendent compte que c'est réel, c'est tout. Un peu comme Tesla, justement, là, qui avait des flashs de... Ça venait pas de lui, là. C'est juste qu'il est extrêmement réceptif puis sensible à certaines choses, puis il avait des connaissances de base. Quand il connaît des formes de base, le savoir peut rentrer, puis pourquoi pas être bien dans sa peau, ben oui. Ben oui, c'est une base. Les outils sont individuels et temporaires, selon moi. Les outils sont là pour qu'on s'en débarrasse. Ben, une fois que ça sert plus, sinon, ça devient comme un vieux bonhomme là, qui a un garage plein d'outils, là, puis il est fier de ses outils, puis il parle de ses outils, puis il monte ses outils, puis il bâtit jamais rien. À bientôt, prends soin de toi. Ah ben, oui, c'est un autre sens. Bon ben, à la prochaine. Ah oui, il s'en vient midi. Merci de me le dire parce que je perds la notion du temps. La paix, pas la paix du Christ, mais la crise de paix, là. Ben, ça, l'affaire, là. La paix du Christ. Moi, j'ai pas vu ça dans les évangiles, puis nulle part l'affaire de la paix du Christ. J'ai pas vu ça nulle part. Moi, j'ai vu un bonhomme qui dit, je suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Puis dans l'Apocalypse, sa langue est comme une épée à deux tranchants, c'est-à-dire sa parole, la vibration. Je vois quelqu'un qui est venu décrisser, là. Puis c'est pas... là, pourtant, là, on a ça, là, des bonhommes en robe. Oh, la paix en fait par le Seigneur, puis blablabla. J'ai bien de la misère avec ça parce que quand je le lis, moi, c'est pas ça que je vois. Je vois quelqu'un qui est venu faire la guerre à des forces, puis pas à peu près. Maintenant, je dis, j'absorbe le vide dans le sens de convertir l'énergie dans laquelle on baigne. Ben, c'est intéressant, ça. Oui, d'être un transformateur, un condensateur, puis parce que il y a ça, là. Si on a des cendres, puis tout, c'est le corps humain, il est vivant. Il est animé. Il y a une âme, il y a quelque chose d'un circuit. Puis si on veut, s'il y a une source, puis qu'il faut se rebrancher avec, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la batterie, elle se décharge, mais à un moment donné, peut-être qu'on aura pu avoir. Fait que, oui, moi, je vois pas. T'sais, puis il se choquait souvent, hein, il était en colère des fois. Quand il ramasse des cordes, là, puis vous avez fait de la maison de mon père une maison de mensonges, puis la grosse crise, là, à coup de à fouetter les changeurs de monnaie, là, c'était le fun, ça. Moi, j'aime ça, quelqu'un de même, dans le sens que moi, je change pas de monnaie, là. Mais, pas, en tout cas, je le ferai pas. Je le ferai à une place ajustée. Pour la Bible est écrite par qui? Pour quelle raison? Ben moi, je pense qu'il y a du monde qui canalise depuis tout temps, mais qu'il peut y avoir aussi des témoignages de gens qui ont connu, qui ont vu des choses. De toute façon, ils ont été, il y a eu un mandat là, à écrire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est sais-tu, la vibration, est-ce qu'elle est haute? Puis est-ce que ça me permet de voir de quoi je dis, ah, ça, c'est réel. Oui, si je me tasse de toute l'interprétation spirituelle puis psychologique qu'il y a eu, oui, si je le regarde par moi-même, oui, je le vois qu'il y a. Toi, t'en dis quoi? Un supraconscient affirme que nous sommes des fragments d'énergie qui coupent. Respondent au groupe sanguin. Hein? Le groupe sanguin présente une. Oui, peut-être. Étant donné justement qu'on est des fragments, que c'est fragmenté, le savoir, puis tout, moi, ça, j'ai pas eu de rien sur ça, les groupes sanguins. Ça a donné comme ça. Mais ça, je peux pas dire telle personne a dit telle affaire puis ça n'a pas d'allure. Je sais pas, je me suis jamais pensé sur ça. En tout cas, ben moi je vais vous laisser, je vais aller dîner. Puis moi je vais me réchauffer des restants de la veille. Des zucchinis, là, genre à la provençale. Je vais me réchauffer ça dans le méchant micro-ondes là, qui fait peur à plein de monde. Oui, la Bible est modifiée plusieurs fois. Ça, je suis d'accord, a été modifiée plusieurs fois. Oui, puis c'est lié entre autres au passage du temps, puis à des. Mais la vibration peut être là pareil. Comme il y a des termes, l'affaire d'alpha, d'oméga, c'est des lettres grecques, mais il y a peut-être question de. Vous savez, là, entre autres, l'aleph. En tout cas, c'est intéressant pareil. Annie, regarde un peu cela. Merci pour le ben de rien. Ah, ben merci. Ben, merci à tout le monde. Puis là, c'est ça. Je vais aller manger pendant qu'il est l'heure de manger. J'essaie d'avoir une certaine structure dans ma vie. Fait que, bon, ben, bonne journée à vous. Puis prenez soin de vous ou pas. C'est selon ce que vous voulez. Bon, ben. Moi aussi, je pense que c'est lié à de la vibration, mais aussi au plan, les lettres, là. Mais à un moment donné, on parlera des alphabets. Mais ça dépend. Là, aujourd'hui, je n'étais pas. Je veux dire, je vais faire un live, là. Il pleut. Puis, ben, j'étais de bonne humeur en plus. Puis, bon, en tout cas, je suis encore de bonne humeur, là. Mais Monsieur Trajan, je sais pas, peut-être faudrait que je le relise. Peut-être j'ai mal évalué. Il me fait douter, hein? En tout cas, je pense que je vais arrêter de m'aller manger là. Bon ben, bonne journée.